en cherchant son étoile. Son étoile, en cherchant son étoile, sur les chemins de l'amour. D'escale en escale, une lueur s'étale, se vider le cœur, se sentir ailleurs. Paroles d'ivresse comme un signe de détresse, n'importe où, en cavale, coup de joie, coup Montréal. Y'a le Québec qui ramène le passé, tour de fer dans la plaie sans aucun regret. La voix se déchire dans le speaker fêlé, remonte les souvenirs, le désir en aller. Ça chante les yeux fermés, pas besoin de voyeur. Ici c'est du monde normal, le monde qui a mal. En cherchant son étoile, en cherchant son étoile, en cherchant son étoile, sur les chemins de l'amour. Y'a des soirs, tu vois bien, on sait plus ce qu'on dit. Y'a des soirs, tu sais bien, plus besoin d'être ici. Sourire assoiffé, grande gueule essoufflée, le bonheur est coincé à la porte d'entrée. Ton clin d'œil s'est noyé dans la bière renversée. Tu regardes de côté, tu voudrais t'en aller. Le rock est fini, le speaker décroché, le silence de la nuit qui va recommencer. Tu chantes les yeux fermés sur des accords blessés, un dernier refrain qui s'éteint au matin. En cherchant ton étoile, en cherchant ton étoile, en cherchant ton étoile, sur le chemin de l'amour. Une page arrachée au milieu du scénario, quelques mots en morceaux dans ta poche de manteau. Une page déchirée, en cherchant son étoile, en cherchant son étoile, sur les chemins de l'amour, en cherchant son étoile.